Laisse-moi te dire d'abord, je suis loin d'être hardcore, mais je me laisse pas faire. Je peux déterrer ton frère mort avant d'envoyer sa charogne de corps à travers une de tes fenêtres, c'est gore. Je pète le score, c'est mon sport, c'est la porte ouverte à tout. Tu me diras bah tout, je te dirai tout. Ma salive est un mélange d'acide et de soude. Crains pas avec ta petite Ferrari, sinon t'as plus d'enjoli vert. Et moi j'ai 4 nouveaux frisbees, je suis partout. Traverse pas la rue, mes pneus crisent vite. Va pas trop souvent dans tes shots, je peux t'envoyer un grizzly. Ça. Un grizzly dans tes shots et tu deviens castra. Sus des bits ailleurs, un clic pour le meurtre. Les sous sont des ferrailleurs, les miens sont des vrais rappeurs. Sus des bits ailleurs, un clic pour le meurtre. Les sous sont des ferrailleurs, les miens sont des vrais rappeurs. Les bonbons, ça fait mal au temps. Ta gueule, mon game aussi plus rapide que l'OTAN. Va prendre des photos torse nu, pour toi ça paraît important. Alors rentre ton gros ventre et va te racheter une gueule impotent. Nah, je suis pas insolent, je suis un gars gentil comme celui qui a fait manger une feuille de cannabis à Bambi. Je vends des piles, tu remplis du scotch pour ta fée sans un cri, sans bruit biatch. Pourquoi t'insultes les gars de rageux, t'es pleine de sevilles. Tu poses en mode peau de peinture, la schneck, chire des par des pieux en maison de retraite par des vieux. T'es sérieux? Ton mec, tu kiffes, on cet aspect. Ça t'empêche pas de montrer en webcam au pervers ta chatte mal rasée. Tellement superficiel que tu vas vite lasser. Le mec qui se prête pour boulot, avec deux voix comme ça. Pose un ghetto, taïra, du rap sale, ça donne une rap. Bordel de merde, t'as mis quoi dans ta chicha? Dans ton chichon, entre tes nichons, tu triches là, Richard. Bichon, petit bichon, tu te prends pour un lion, t'es qu'un petit chat. J'écris au fil de ma plume, mec, des rap dans ton œil. On niquera sur ton cercueil, on pique-niquera sur ta tombe du chèvrefeuille. Le A, le T, le Y, le P, le I, le double K. Te suivra partout sous l'art, comme une putain de vodka. Ok, je connais vodka, dans les deux bois, c'est fashion. Avec ta baisse à ton baisse où j'amène un gun. Je baisse tous tes chiens. Y'a même ta run, le monde part en live, je vous le dis. Ce qui fait mouiller les billards, c'est un god Gucci. Ce qui te fait bander, c'est un gros bout de shit. T'es binoclard, tu kiffes le hentai en bouffant ton sushi. Fieux, fieux, j'ai particulièrement aimé le passage avec Gucci, avec ta besta, ton bestou, t'amènes un gum, ce bestou, t'es somme. Franchement, ça faisait. Oulala, mille excuses. Il est parti tout seul, hein, c'est pas de ma faute. Bah, au revoir.